Chapitre 20e. Bien que M. Heisenberg pensât peu ordinairement aux choses de la toilette, il voulut, dans les précautions qu'il prenait pour arranger le séjour de Marthe à la Quétive, porter ses soins jusque dans ses petits détails. « Maintenant, dit-il, que nous avons décidé les points importants qui doivent régler ta vie ici, il me semble qu'il serait bon de nous occuper de choses moins sérieuses, peut-être, mais cependant utiles. Qu'as-tu apporté avec toi ?»« Rien. » Cette robe et le chapeau que j'avais sur la tête. Je ne pouvais pas m'embarrasser, me charger de bagages. Il te faut donc du linge, des robes, des chaussures, les 1000 objets nécessaires à une femme. Je n'ai rien de cela ici, et nous ne pouvons pas le trouver à Gabas, à moins de t'habiller en paysanne. Cela serait assez drôle. Oui, mais nous devons éviter ce qui peut faire parler. Il faut donc acheter les objets qui te sont nécessaires. Et où cela ? Demanda Marthe avec effroi. Encore voyager ? Rassure-toi, nous voyageons ensemble. Seulement, bon, il pourrait être dangereux de nous montrer à Mont-de-Marsan, où tout le monde me connaît. Nous irons à Dax ou à Bayonne. Mais en chemin de fer, nous voyagerons en troisième classe, où tu ne rencontreras pas sans doute des amis. Tu n'as pas peur de t'asseoir sur des planches. Tu t'y assieds bien, toi. Oh, moi, tu sais, je suis dur à la fatigue, et puis je suis un plébéien. Je m'ennuie dans vos wagons de première classe, où je ne trouve que des gens qui croiraient compromettre leur dignité s'ils parlaient à leurs voisins. En troisième, où les voyageurs sont moins comme il faut, on écoute quand on a des oreilles, et l'on apprend beaucoup de choses. Et ils partirent le lendemain pour Dax, et ils passèrent une partie de la journée à parcourir les magasins. Nouveautés, lingerie, mercerie, chaussures, c'était un trousseau complet qu'il fallait à Marthe. Elle voulait prendre les choses les plus simples, mais son grand-père s'y opposait. « Ne pense pas seulement au présent, disait-il, je voudrais, quand nous serons séparés, que tu puisses te servir des objets que nous achetons en ce moment. Cela t'obligerait par la pensée à revenir au temps que tu auras passé près de moi. Songe donc, petite fille, qu'on a d'autant plus de plaisir à donner qu'on n'est pas riche, et que l'argent qu'on dépense vous a coûté à gagner. Ruine-moi, je t'en prie, c'est un plaisir dont ton père est privé. » Quand les acquisitions furent terminées, elle voulut regagner la gare. « Pas encore, » dit M. Heisenberg, en reprenant la main de Marthe sous son bras. « Nous n'avons pas fini. »« Je n'ai plus besoin de rien. »« Tu crois ? Je vais te prouver que tu te trompes. » Et il l'emmena d'un air triomphant. Sur leur passage, les gens s'arrêtaient ou se retournaient. On regardait avec curiosité ce grand vieillard qui marchait, le chapeau à la main, traînant derrière lui les basques flottantes de sa longue redingote grise, d'une coupe si vieille qu'un archéologue seul eût pu dire son âge. On admirait ses longs cheveux blancs qui pendaient en mèches frisées jusque sur ses épaules. Il la conduisit chez un sellier qui était en même temps carrossier. « Est-ce que tu veux m'acheter une calèche ? » dit-elle en riant. « Non, mais une selle de femme, pour que nous puissions faire de bonnes courses ensemble. Tu penses bien, n'est-ce pas, que je ne vais pas te laisser à la maison pour que tu t'enfonces dans de tristes idées ?» À tourner sur lui-même, l'esprit s'étourdit comme le corps. « J'ai une jument qui est douce à monter. Nous ferons des excursions qui te seront salutaires. Je veux que tu rentres à Bordeaux saine d'esprit et forte de corps. Je vais reprendre un projet que j'ai caressé autrefois, quand j'espérais que ton père t'enverrait passer tous les ans 2 ou 3 mois avec moi. J'ai bâti alors tout un plan d'exécution que les circonstances ne m'ont pas permis d'exécuter. Tu as été envoyé à Paris et maintenant c'est à toi sans doute de faire mon éducation. Ah, grand-père, j'ai la tête un peu dure, mais j'ai bonne volonté, persévérance, tu verras. » En parlant ainsi, M. Heisenberg était de la meilleure foi du monde. Marthe avait été une des bonnes élèves du couvent à la mode dans lequel elle avait été élevée. Pour lui, elle avait dû puiser là une instruction bien supérieure à celle qu'il eût pu lui donner. Il avait la religion du progrès, et il croyait que le progrès avait dû suivre sa marche ascendante dans l'instruction comme dans toute chose, même à travers les grilles d'un couvent. Mais il vit bientôt qu'il devait en rabattre de cette espérance. Ce n'était pas à Marthe de lui apprendre quelque chose. Les fonctions de juge de paix à la campagne, dans un pays qui n'est pas de chicanes et de procès, ne sont pas très absorbantes. M. Heisenberg avait beaucoup de temps à lui. Ce temps, il le passait tout entier avec Marthe. Il se promenait à cheval ou à pied, et en se promenant, il causait. M. Heisenberg, qui ne voulait pas laisser Marthe livrée à ses pensées, portait presque toujours l'entretien sur des sujets généraux, dont leurs excursions à travers les landes, dans les plaines, dans les bois, au bord de la mer, leur fournissaient le thème. Mais il arrivait souvent que, dès les premiers mots, M. Heisenberg s'arrêtait et regardait Marthe avec stupéfaction. « Et quoi ? » se disait-il, « elle ne connaît pas ces choses si simples. Qu'est-ce que donc on apprend aux enfants aujourd'hui ? » Pendant les premiers jours, il se fit ses réflexions tout bas, mais il n'était pas homme à taire longtemps ses pensées ou à retenir l'expression de ses sentiments. Bientôt la contrainte qu'il s'imposait lui échappa. « Supportes-tu les observations ?» dit-il un matin à Marthe. « Comment peux-tu me demander cela ? Tu me crois donc bien sotte ? Eh bien, mon enfant, il faut que je te dise que tu me causes d'étranges surprises. Crois-tu que je ne m'en sois pas aperçu ? Tout à coup, en causant, tu t'arrêtes, tu frappes la terre avec ton bâton et tu me regardes comme une bête curieuse. Voyons, qu'est-ce qu'il y a en moi qui t'étonne ? Suis-je curieuse ou suis-je bête ? Il y a que tu me dis des choses prodigieuses. Sans m'en douter ? Absolument. Ainsi, avant-hier, en revenant des dunes et en traversant les Allios, nous venons à parler d'histoire naturelle. C'était obligé. En sautant de monticule en monticule, au milieu des flaques d'eau, nous devions nous occuper des milliers de bêtes qui peuplent ces eaux. Je te fais causer, et tu me dis que les animaux apathiques comprennent les infusoires, les polypes, les radiaires, les vers. Eh bien, c'était parfait. Te voyant partir ainsi, je crois que tu vas continuer. Mais plus rien. Je ne peux plus rien tirer de toi. Je te montre une sangsue, tu ne sais même pas ce que c'est. Seulement, quand je te la nomme, tu me dis que c'est un animal invertébré formant la première classe de la subdivision des vers. Ce n'est pas juste, c'est admirable. Dans la lande, je te montre une fougère, autre histoire. Tu me dis que les fougères sont des plantes à cotylédonées, herbacées, à tiges souterraines, rampantes, vivaces. Puis tu me dis encore des choses intéressantes sur les plantes inembryonnées et embryonnées. Je crois que tu es forte en botanique. Je te montre une flouve, tu ne sais pas ce que c'est. Une avoine, un trèfle, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne connais même pas les herbes de ton pays. C'est vrai, on ne nous en a jamais rien dit. Hier, à propos des protestants de Gabas, qui sont une exception dans le département, nous venons à parler de la Saint-Barthélemy. Et tu me dis que la responsabilité de ce massacre porte exclusivement sur Catherine de Médicis, qui irrita ou dénatura l'instinct religieux pour en faire un instrument politique, tandis que la religion catholique demeure étrangère à cet attentat. Tu ne crois pas cela ? Ah, certes non. C'est cependant ce qui nous a été enseigné, et cette phrase se trouve à peu près textuellement dans l'histoire de France qui nous servait en classe. J'en suis convaincu. Et c'est là précisément ce qui me fâche. On t'a pris tes belles années pour t'enfermer entre quatre murailles, et pendant qu'on étiolait ton corps, on faussait ton esprit ou bien on le nourrissait de futilité. Ta mère, cher enfant, qui est élevée ici, dans cette pauvre maison, n'ayant d'autres maîtres que moi, d'autres livres que les 200 ou 300 volumes de ma chétive bibliothèque, en savait plus que toi. Elle ne m'aurait pas débité toutes les belles choses que tu viens de nous raconter. Mais elle ne m'eût pas dit que la lumière est un mystère de la nature qui nous apprend à croire les mystères de la foi. Ta mère n'eût pas écrit une lettre avec une orthographe aussi correcte que la tienne. Elle n'eût pas, comme toi, su qu'on devait écrire en couvre-pied, des couvre-pieds, un serre-tête, des serre-têtes. Mais son esprit avait été dressé dès l'enfance à des habitudes de rigueur et de netteté que je ne trouve pas en toi. J'aurais voulu te donner cette instruction première, mais ton père l'a trouvée indigne de ton rang. Il avait d'autres ambitions que d'offrir pour professeur à sa fille un vieux juge de paix de village. Il a voulu mieux, et comme il a payé pour avoir le mieux, il a aujourd'hui la conscience satisfaite. Ce n'est pas sa faute s'il n'a pas obtenu un meilleur résultat. Est-ce la mienne ? Non, bien sûr, mais c'est celle de ton éducation frivole et superficielle. C'est celle de tes maîtres et du mauvais esprit qui les inspire. Veux-tu que nous essayions de réparer cela ? Rien n'est salutaire comme le travail pour nous distraire de notre chagrin. Malgré la figure souriante que tu tâches de me montrer toujours, je sais qu'au fond du cœur, tu n'es pas gai. Ne te défends pas. Quoi de plus naturel, de plus juste, dans la triste situation où tu te trouves placé ? Le plaisir, la promenade, la conversation ont du bon pour occuper notre esprit, l'arracher à son tourment et tuer le temps. Mais le travail vaut mieux encore. Veux-tu que nous travaillions ensemble ? Ne crains pas de me fatiguer ou de m'ennuyer. Et sois persuadé au contraire que rien ne peut m'être plus agréable. J'ai fait mon deuil de ce bonheur que je m'étais promis autrefois, au temps où je me disais « Ma petite fille n'aura pas de fortune de moi, mais elle aura des souvenirs qui valent mieux que la richesse. Maintenant que nous pouvons pour ainsi dire revenir dans le passé, profitons-en. » Marthe était trop heureuse de pouvoir échapper aux idées qui l'oppressaient, pour ne pas accepter cette proposition avec empressement. Elle se mit donc au travail, sous la direction de son grand-père, et les heures, jusque-là si longues et si vides, passèrent plus vite par ceux-là seuls qu'elles étaient maintenant remplies. Qu'allait dire la réponse de Philippe ? C'était la question que Marthe se posait avec angoisse depuis son arrivée à la Cative. Sans le travail dans lequel elle s'absorba, Cette question terrible n'eut pas accordé une minute de relâche à son esprit. Enfin, elle arriva, cette réponse. Philippe, de retour à Bordeaux, avait trouvé l'intimité de M. Denis et de Sainte Austreberthe aussi étroite qu'au moment où il était parti pour Paris. Madame Denis était en voyage. M. Denis et Sainte Austreberthe étaient en plein dans le travail de l'élection. Jamais agent électoral n'avait déployé autant de zèle que le vicomte. L'effet de cette nouvelle ne fut pas le même sur le grand-père et sur la petite-fille. Marthe resta atterrée. M. Hazembert, dans un mouvement d'égoïsme inconscient, se montra radieux. « Allons, je crois que nous avons du temps pour rester ensemble et travailler. Elle est bien, cette lettre. Il y a de la droiture, de la noblesse, de la fierté. N'est-ce pas, grand-père ? Je crois que c'est un honnête garçon. Mais pour nous prononcer, attendons ces autres lettres. »